C'est qui votre héros préféré ? Spider-Man ! Comme j'aimerais être Spider-Man pour lancer des fils d'araignée. Comme j'aimerais être Spider-Man, je sauterai. Comme j'aimerais être Spider-Man pour rattraper tous les bandits. Comme j'aimerais être Spider-Man, je sauverai tous les bébés. Comme j'aimerais être Spider-Man pour être un super héros. Dans les journaux, dans ta photo, en première page. Comme j'aimerais être Spider-Man pour lancer des fils d'araignées. Comme j'aimerais être Spider-Man pour attraper tous les bandits. Comme j'aimerais.